Bien bonjour tout le monde, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes, Marc Lalonde au micro. Toujours un plaisir, et oui, à chaque semaine, à être là, comme ça, à vous offrir la plus belle, la plus grande variété musicale franco-canadienne d'un bout à l'autre du pays. Et cette semaine, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai du Maggie Savoie, du Annie Blanchard. On va entendre aussi les Muses en souvenir. L'album de la semaine, c'est celui de Phil Atanasé, ou Phil Atanas. C'est son album éponyme. On va entendre également du Cano, du D-Track, Benjamin Deschamps Quintet, un petit spécial, vous allez voir. Et aussi du côté de l'Ouest, Audrey, Sophie Villeneuve et entre autres Alpha Toshineza. Donc restez là, je vous reviens dans quelques instants avec le bloc des Maritimes à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Bonjour, bienvenue à Canrock, ici Lalonde des ondes, très content d'être là. Et comme à l'habitude, permettez-moi de remercier des gens très très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne d'un bout à l'autre du pays. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada, merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes, CKGM Chéticamp, WFM 98 Halifax, CIFA Baie-Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. CKMA Miramichi, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario. Il y a Envol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, CILS Victoria, Colombie-Britannique, CIVR, Yellowknife, Territoire du Nord-Ouest et aussi sur archive.org, vous pouvez retrouver l'émission comme tel. Juste un petit mot, petite parenthèse, j'ai pu comprendre cette semaine qu'il y a des possibilités que Rivière-la-Paix, Falaire reviennent en ondes. On leur souhaite énormément. On a besoin d'eux pour cette belle communauté. Cela étant dit, commentaires, suggestions, même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental, vous m'envoyez leurs contacts à canrockcdn@gmail.com. Allons-y avec le bloc des Maritimes. On va commencer ça avec un petit bloc de blues. Maggie Savoie qui a lancé son nouvel album tout récemment. On va entendre 27 sous zéro. Par la suite, on va se rappeler un très beau souvenir d'un guitariste, compositeur, chanteur de la région de la péninsule acadienne, si je ne me trompe pas. Son nom, c'était J.P. Leblanc. Il avait sorti un album blues assez intéressant, francophone. On va se rappeler un beau souvenir avec Oh Darling, un autre excellent blues. Mais pour commencer, voici la charmante Maggie Savoie, 27 sous zéro. Sous zéro, la vie prend un break. Le fret qui me transperce le corps, pas encore réussi à me glacer le cœur. Peinture sous zéro, la fumée qui sort de la cheminée, avec son air de toffe nous laisse savoir que le fret y fait pas peur. Beau. silence glacial qui me dit si tu te veux réchauffer l'âme, fais-toi un feu dans la cabane. Tu jouais comme ça. de toucher. Je ne veux que reculer. Oh darling, oh pourquoi m'as-tu joué comme ça? Oh une journée tu dis tu m'aimes darling. T'en souviens pas. Oh darling, de Monsieur J.P. Leblanc de l'Acadie. Ce jeune-là avait sorti un album vraiment là, excellent album de blues. Et j'espère, ce serait le fun qu'il revienne faire un album ou quelque chose du style. Je sais que là, il est très occupé avec sa... je pense qu'il est à l'emploi des caisses populaires de l'Acadie, quelque chose du style. Mais moi, j'avais adoré son album parce que c'était vraiment excellent. Du bon blues, bon guitariste, très beau jeu de guitare. Et c'est vraiment là, on s'ennuie un peu de ça. On va continuer, si vous voulez bien, avec deux chansons d'un nouvel album qui vient d'être lancé et je suis très content. C'est Annie Blanchard qui nous propose, un peu comme son dernier album anglophone, un album de classic country folk de l'époque des années 70 et des chansons qu'elle a sûrement adorées, qu'elle a entendues, qu'elle a écoutées. Et ça s'appelle Welcome Soleil, comme la chanson de tout simplement de Jim et Bertrand, voilà. Et c'est vraiment c'est très très bien fait. C'est réalisé par M. Georges Béliveau. Ça punch, mais pas à peu près. Vous savez, Georges Béliveau a le sens de la musicalité, le sens de la mélodie forte et puissante, comme du bon country américain. C'est vraiment génial. Allez faire un tour sur annieblanchard.com pour découvrir cet univers-là et vous procurer l'album parce que c'est vraiment génial. Il y a de très, très bonnes pièces. Même les chansons les plus country, là, Un jour à la fois, Je suis ton ami, ça vraiment, ça sonne solide. On entend ça, la batterie, les guitares, les harmonies de voix. C'est vraiment génial. Belle reprise aussi d'Évangeline. Et... ce que vous allez entendre maintenant, c'est « Welcome Soleil » de Jim et Bertrand et aussi « Travailler, c'est trop dur » de Zachary Richard. Mais attention, pas balade, mais chanson rythmique qui nous entraîne. C'est merveilleux. Voici Annie Blanchard. J't'ai attendu toute la journée. Y'a du travail ici pour toi. Si t'es pas trop pressé de partir, une pluie toute fraîche à nettoyer, de tout petits cœurs à réchauffer, des gens sa plage à colorer. Brun foncé ou rouge brûlé. Portion colombienne. J'te J'organise un pique-nique party. J'ai invité tous les amis, leur disant que tu y serais aussi. D'un classique de Zachary Richard, Travailler c'est trop dur par la charmante Annie Blanchard. Vraiment très intéressant. Allez mettre la main là-dessus. Voici des quelques adresses: annieblanchard.com ou encore www.plage.net. www.plage.net pour acheter une copie de cet album-là. Un album très estival avec beaucoup de punch. Je pense que ça va être le fun. Ça va se retrouver dans presque toutes les voitures au Nouveau-Brunswick, j'en suis certain. Vraiment très entraînant comme album, très solide, très puissant et très estival. Donc, ça va être merveilleux. On va se rappeler un beau souvenir du groupe Les Muses. Et oui, Louisbourg, ça s'en vient dans quelques instants. Pourquoi je vous fais tourner Louisbourg? C'est parce que le trois quarts des Muses, c'est-à-dire Isabelle Bugeaud, Nadine Hébert, et aussi Monique Poirier font le groupe Les Trois Ailes. Et puis, c'est vraiment très intéressant. Ils viennent de lancer un nouvel album. J'ai hâte de recevoir ça pour vous faire entendre. Donc, pour l'instant, on va se rappeler un beau souvenir de l'époque où ils étaient avec Isabelle Thériault, les Muses. Voici Louis Bourg. Je peux t'entendre, alors je me bats. juste.